بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الدرس الرابع وعشرين من كتخيم لسون. Nous sommes toujours dans le nouveau chapitre concernant la foi en les anges. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال السابع والعشرين بعد المئة. ثم ستم question. كم هم حملة العرش يوم القيامة؟ Combien sont les anges qui porteront le trône d'Allah عز وجل le jour dernier؟ قال ثمانية. Ils sont huit. والدليل قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dans le sens où Allah dit et qu'ils porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux ce jour-là, huit, c'est-à-dire huit de ces anges. Al-Haqqa, verset 17. Et ces anges qui portent le trône d'Azza wa Jalla, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à propos de l'un d'entre eux pour tenter d'imaginer le côté titanesque, si on peut dire comme ça, de ces créatures. C'est qu'il dit entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 ou 800 ans. J'ai oublié le hadith. 700 ou 800 ans de voyage. Là, c'est un seul ange entre le lobe de son oreille et son épaule. Ils sont huit. Ils sont huit et ils portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la plus grande des créatures. Et Allah azza wa jal est au-dessus du trône. Il est sur son trône, mais au-dessus du trône, car il est au-dessus de sa création. Est-ce qu'on arrive à concevoir l'immensité de cela? On arrive à comprendre, mais la conception ne peut pas l'avoir, car cela dépasse notre entendement. Allahu Akbar. Donc, que l'on comprenne bien ce qu'on fait un takbir, lorsqu'on dit Allahu Akbar, que Allah est le plus grand, ce sont des paroles des fois qu'on prononce sans en réaliser la réalité. Allahu Akbar, fi'alan. Subhanallah. Thumma qala fi su'al al-thamin wal-ashrin ba'd al-mi'a. Thumma tatlame question. Uzkur ba'd a'mal al-mala'ika. Il dit, cite certaines tâches des anges. Al-thamin wal-ashrin ba'd al-mi'a. Thumma tatlame question. Parmi eux, il y a les anges qui parcourent sur terre et qui recherchent les assemblées de rappel du ilm. Comme a dit le hadith Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجلس الذكر. رواه مسلم. Que Allah a des anges qui parcourent le monde et qui recherchent les assises là où les gens sont rassemblés et font leur appel. Là où il y a des durus, مثلاً, il y a des choses qui sont basées sur la sunna, bien évidemment, pas sur la bid'a. Et des hadiths sont venus qui les recouvrent de leur zèle. Kazalik. Il y a les malaïka, ceux qui écrivent les actes, les scribes, les nobles scribes. Wa dalil qawlu ta'ala, wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin. Et que vous avez des protecteurs de nobles scribes. Al-Infitar, verset 10 à 11. Ils sont avec nous et ils écrivent tout ce que l'on fait. Tout acte que l'on fait, ils l'écrivent. Ainsi que des malaïka qui sont des gardes du corps, qui surveillent, qui nous protègent. Bi iznillahi ta'ala. Wa dalil qawluhu ta'ala. Lahu muaqibatun. Min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Qu'ils ont devant eux, derrière eux, des anges qui les protègent selon l'ordre d'Allah. Ar-ra' de tonnerre, verset 11. Il y a les malaïka, ceux qui portent le arche, comme nous l'avons cité, ceux du trône. Comme nous l'avons cité au début, d'accord, ils sont huit. Malaïka, khazatul l'Jannah. Il y a des anges qui sont parmi les gardiens du paradis. Wa dalil qawluhu ta'ala, wa siqa allazina taqaw rabbahum ila l'Jannah zumara, hatta iza ja'uha. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. Que ceux qui ont craint leur Seigneur seront menés vers le paradis en groupe. Et lorsqu'ils atteindront le paradis, ces portes leur seront ouvertes et leur sera dit, du moins les gardiens du paradis leur diront « Salam alaykoum » pour eux la bonne nouvelle, « Entrez-y, yani au paradis, éternellement. » Az-Zumar, c'est l'ornement, verset 73. Donc regardez, les anges accueillent les gens du paradis, ils leur passent salam. Ils leur passent salam et leur annoncent qu'ils seront là au paradis éternellement. Également, il y a les anges qui sont les gardiens de l'enfer. À leur tête, il y a Malik, comme nous l'avons dit précédemment. Malik, il y en a d'autres avec lui, qui l'aide à accomplir sa tâche. Wa dalil qawlu ta'ala, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qu'à chaque fois qu'un groupe sera jeté en enfer, ses gardiens, ceux qui sont dans l'enfer, c'est-à-dire les anges, leur diront « Ne vous est-il pas venu un avertisseur ?» Al-Mulk, la royauté, verset 8. Donc c'est encore en guise de réprimande. Les gens de l'enfer leur dire « Vous avez su, vous avez entendu, vous avez été informé, et malgré cela vous n'avez pas écouté, voici ce que vous avez, voici encore votre rétribué pour ce que vos mains ont accompli. » Il y a également les malaïkas qui interrogent dans la tombe, comme nous l'avons pris auparavant, qui sont Munkar et Nakir. Tamam, cela a été cité également. Nous avons, Hada, c'est ce que certains anges dont l'auteur cite les tâches. Dont l'auteur cite les tâches. Il y a également l'ange qui vient lorsque la mère tombe enceinte, qui vient pour, au bout de 4 mois, pour mettre le souffle de vie et écrire le destin de ce fœtus. Cet ange-là également qui existe. Il y a les anges qui rentrent dans les demeures et qui demandent pardon pour nous. Mais ces anges-là ne rentrent que dans une maison, que dans une maison où il n'y a pas de chien. Et là où il n'y a pas d'image figurée, parce qu'il y a de photos, d'accord, ou de vidéos. Tout ce qui représente une créature dotée d'une âme, animaux et êtres humains. Et qu'il s'agisse de photos, ou qu'il s'agisse de vidéos, qu'il s'agisse de figurines, qu'il s'agisse de statues. Tout cela rentre dans le même jugement. Taswir, Zawat et l'Arwah. Il n'y a pas de différence entre cela. Donc ceux qui voient la différence ou qui veulent, mathalène, détailler dans la question, alors que la question elle est catégorique, eux se voient privés de l'entrée des anges dans leur maison. Et malheureusement, cette époque, même si on fait très attention, je crois qu'il n'y a quasiment aucun d'entre nous qui puisse être épargné, ou plutôt qui puisse être gratifié par la présence de ces anges dans sa demeure. Pour le grand nombre d'images qui rentrent, on ne fait même pas attention. Sans compter les papiers que l'on a, les billets, dans les pays où il y a des images sur les billets, c'est une chose qui, ou les couches pour les bébés, ou je ne sais quoi, même sur les téléphones, les ordinateurs, on ne peut rentrer dans un site ou ne faire une action sans qu'il y ait une image qui apparaisse, malgré nous. On ne le veut pas, mais c'est malgré nous. Et cela nous prive de beaucoup de biens, de beaucoup, beaucoup de biens. Wallah al-musta'an, sallallahu yafu an taqsirina. Thumma qala, fi suwal at-tasi'u al-ishrin ba'd al-mi'a, 29e question. Ma hiya asma malaikat al-azab allati dhukirat fi surat al-alaq. Quel est le nom des anges du supplice qui ont été nommés, cités dans surat al-alaq, surat Iqra? Il s'appelle Azabaniya. Azabaniya, comme dans le verset, فَلْيَدْعُوا نَادِيَا سَنَدْعُوا Azabaniya. Qu'il appelle son renfort, c'est-à-dire ceux qui sont au feu, nous appellerons les Azabaniya. Les anges. D'accord? Et ces gens-là, ils sont où? Ils sont ceux qui font subir des supplices au Mukallaf dans sa tombe ou dans le feu. Al-Alaq, verset 17 à 18. As-Su'al, Thalathim Madelmiya. 130e question. Manuwa al-Malak al-Muwakkal bi-Qabd al-Arwah. Qui est l'ange qui est chargé de récupérer les âmes, c'est-à-dire par lequel nous mourrons? Ismo, Qal, Malak al-Maut. On l'appelle Malak al-Maut. Malak, c'est ange, et Maut, c'est la mort, l'ange de la mort. Wa dalilu qawluhu ta'ala. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. Dit, l'ange de la mort prendra vos âmes, celui qui était confié, à qui cette tâche était confiée, puis votre Seigneur vous reviendrez. C'est vers votre Seigneur que vous reviendrez. Et sajda, la prosternation, verset 11. ثم قال في سؤال 31e question. هل ثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ Est-ce qu'il a été affirmé qu'il s'appelle Israël, cet ange? On dit non, il n'y a aucun dalil authentique qui dise que cet ange s'appelle Israël, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent ou ont entendu. Les hadiths qui citent cela ne sont pas authentiques, donc on l'appelle comme dans le Coran il a été nommé, comme étant Malak al-Maut. Et bien sûr Malak al-Maut, c'est comme l'ange du Nar qui est Malik, il a avec lui d'autres anges qui l'aident à accomplir sa tâche, il n'est pas tout seul. Lui le principal, mais il n'est pas tout seul. Naam. Donc, il y a d'accord d'actifier l'homme, ou alhamdulillah.